Dossier 6. Leçon 3. La Belgique en train. Activité 7. Bonjour à tous. Escapade vous emmène cette semaine en Belgique. À l'heure des trains à grande vitesse, les Européens peuvent se rendre à Bruxelles en un temps record. L'Eurostar met Bruxelles à 2 heures environ de Londres et le Thalys permet de faire Paris-Bruxelles en 1h30 et Bruxelles-Cologne ou Bruxelles-Amsterdam en 1h50. Mais savez-vous qu'en 1835, la Belgique a été le premier pays européen à construire un réseau de voies ferrées régionales? C'est pour cette raison que de nos jours, il est possible de se rendre facilement en train dans de nombreuses villes belges. Vous pouvez voyager de Bruxelles à Anvers en moins d'une heure, de Bruges à Gand en 30 minutes et de Gand à Anvers en 50 minutes. Les vélos, vous le verrez, sont autorisés à bord des trains à condition d'acheter un billet spécial vélo, mais les trains ne disposent pas tous d'espace réservé aux vélos. Il faut alors prendre contact avec le contrôleur. À présent, sans attendre, je vous invite à regarder notre reportage réalisé dans plusieurs gares de Belgique.